Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, les frères? Ça va bien? Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Ça va? Y a-t-il des... Avez-vous des questions? C'est pas des questions, on travaille. Je voulais poser une question, frère. Je voulais demander dans Jean 20, verset 22. Mm-hmm. Lorsque le Seigneur est ressuscité. Oui, il souffle. Il souffle. Il souffle que recevez le Saint-Esprit. Oui, quelle est la question? Je voulais savoir, et dans Actes des Apôtres, oui. Pourquoi vous avez les mêmes questions? C'est le même esprit que vous tous dans le monde ou quoi? Quel est le problème au juste? Si je crois particulièrement, si je suis tombé dessus. Et mais quand tu es tombé dessus, tu as pensé que c'était quoi? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Quand tu es tombé dessus, tu as vu pourquoi ça te pose problème? Parce que à un endroit, j'ai reçu et à l'autre, dans l'autre endroit, encore, il reçoit. Ce sont les mêmes personnes qui étaient... Donc, selon toi, dans Jean 20, 22, ils ont reçu le Saint-Esprit. Puisqu'on dit le Saint-Esprit. Non, attends. Dans Jean 20, 22, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Ils ont reçu. Dans Jean 20, 22. Puis c'est écrit qu'ils recevaient. Mm-hmm. Que recevaient. Ils ont soufflé. Bon, quand ils disent recevaient, c'est vrai, on dit qu'ils ont reçu là. Hein? Oui, Ouvre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Ouvre Colossiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 2, Colossiens, chapitre 3. D'accord? Vous y êtes tout le monde? Mm-hmm. Éphésiens, chapitre 2, le verset 6, rapidement. Donc, lis ici, mon cher, comme ça, il va entendre. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Stop, pour moi. On a dit quoi là? Il nous a ressuscité. Vous entendez ce qu'il dit là-bas? Vous entendez ce qu'il dit? On a dit quoi? Il nous a ressuscité et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu es où là maintenant? Sur la terre. Je croyais que tu étais dans les lieux célestes. Non, c'est en espérance. Ça, hein? En espérance. Il y a un mot espérance là-bas. Bon, c'est une promesse. Non. On a dit qu'il nous a ou il ne nous a pas. Il nous a. Il nous a, ça veut dire quoi, frère Roland? Ok, maintenant, tu as dit que, parce que je suis en train de prendre ça pour vous faire comprendre les choses, parce que là, lui, dans Jean 20, 22, où Seigneur a dit, recevez le Saint-Esprit. J'ai posé la question, il a dit, mais on a dit recevez. On a aussi dit, il nous a ressuscité. Tu es assis ensemble maintenant là. Oui. Tu es maintenant où? Je suis sur la terre. Mais on a dit, quand on te ressuscite, tu restes encore sur la terre. Non. Tu es où là maintenant? On dit qu'il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir avec lui où? Le voici sur la terre, il a chaud parce qu'il a débalancé les choses sur lui comme ça. Parce qu'il y a la chaleur là-bas dans les lieux célestes. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je m'excuse déjà pour le retard. J'ai eu un accident en route, même si j'étais au garage. Parce que, bon, de toute façon, que toute la gloire lui revient. Avant d'avancer ce soir, je vais vous dire deux choses encore. Vous vous souvenez, en août 2015, je vous ai dit ici que j'ai vu un style d'argent dans le. En Afrique, n'est-ce pas? J'avais dit ici en août 2015. Vous avez oublié. J'ai dit, j'ai vu la monnaie, un style de monnaie dont une petite monnaie était beaucoup, n'est-ce pas, frère? Non, mais c'est quand même curieux. Ça, c'est à qui dit à ma adresse, mais ça ne vaut même pas la peine. Donc, il transmet les deux autres qui veulent transmettre la maison. Non, ça ne vaut pas la peine. Notez le livre de Luc au chapitre 14. S'il n'y a plus de questions, si vous avez des questions, vous posez. Dans vos prières, vérifiez déjà que vos téléphones sont fermés, s'il vous plaît. Dans vos prières également, priez pour le prophète David Ouwe, parce que j'ai vu une attaque contre lui. Un tante. Vérifiez que vous avez le téléphone fermé, s'il vous plaît, que ça ne sonne pas pendant qu'on va commencer à travailler. Donc, dans vos prières, prier pour le prophète David où j'ai vu une attaque contre lui. Et c'est la personne que j'ai vue qui commanditait cette attaque, c'était un Nigérien. Et j'ai vu son état. J'espère que les téléphones qui sont ici sont fermés. Et puis, je vous avais dit une de ces fois ici, j'ai dit que l'institution au Cameroun doit changer, n'est-ce pas? J'ai dit l'institution. J'ai dit le Cameroun est indivisible, n'est-ce pas? Mais l'institution va changer. Mais j'ai entendu l'hymne national chanter et ce n'est plus la même façon. Je veux que vous gardiez donc ceci à l'esprit. J'ai vu une réunion qui s'est passée. Ça ne s'est pas passé dans un stade, ça s'est passé dans une esplanade bizarre. Et il y avait une façon de faire maintenant avec l'hymne national du Cameroun. Il parle du Cameroun. Je vous le dis avant que ça n'arrive. Maintenant, la question maintenant, c'est quel est l'impact que cela aura. Donc, l'hymne national qu'on chantait en anglais, ça n'était pas ça. Mais ce qui est curieux, c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'on chante l'hymne national que vous connaissez. J'ai vu le drapeau se dresser là, les gens étaient là, mais dans ce groupe-ci se trouve un prêtre qui est anglophone. Un prêtre. Mais l'hymne national, on a chanté l'hymne national, ça a étonné tout le monde parce que l'hymne national a été chanté en anglais. Vous savez, quand vous chantez l'hymne national en anglais, Our Father, non, ça c'est le notre personne. O Cameroon, thou cradle of our father, holy shrine, where in thou midst then now repose. Vous savez ça, n'est-ce pas? Yet yes, and blood and soil, thy soil did water, on the hills and valley walls, the tiny rose. Donc ce n'était plus ça. Vous savez, quand vous chantez en anglais, normalement même en français, ça ne veut pas dire la même chose, mais là, le son, c'est pas comme si vous me saisissez. Le son, quand vous chantez, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, un seul bol a dans l'eau, foi et dignité. Quand vous chantez ça, ça ne veut pas dire la même chose en anglais. De toute façon, ça ne dit même pas, ça ne dit pas grand chose en anglais. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, ce son que vous entendez, le son là, que vous entendez dans l'hymne national, j'ai entendu ça changer. Donc, l'hymne national du Cameroun va poser problème. L'hymne national du Cameroun va poser problème. Donc, on va prier pour le prophète Ouo parce que j'ai vu une attaque. Ça, c'est un Nigérien. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas vu la bombe, mais c'est comme si c'est un style d'assassinat. Mais ce n'est pas la bombe, j'ai pas vu la bombe parce que j'ai pas vu une explosion. Et comme, c'est comme si. Y a-t-il des questions, frère? Oui, toujours ici. Tu as encore remarqué que tu es assis sur ta même place, non? Je voulais poser une question par rapport au mariage. Oui. Dans l'assemblée où le frère Maxwell est, oui. Je suis arrivé là-bas la semaine suivante. Il y a un cas qui s'est posé. Oui. Donc la soeur en question était dans le monde. Oui. Elle a connu quelqu'un. Donc ils ont fait la communication. Et en niveau maintenant, elle s'est convertie. Maintenant, elle est sur le point de. Et disons que comme elle s'est convertie, le monsieur avait déjà entamé les démarches concernant le mariage. Sur le plan, je vais dire au village, en allant voir la famille et tout, et tout, et tout. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est que, étant donné qu'elle est devenue chrétienne, comment est-ce qu'elle doit considérer cet engagement? Est-ce qu'elle est déjà mariée au monsieur? Elle était engagée ou elle n'était pas engagée? Elle s'est engagée ou elle ne s'est pas engagée? Elle s'est engagée. Luc chapitre 14, notez. Donc quand il y a des enseignements, écoutez bien les enseignements. J'ai bien dit dans l'une des parties des mariages qu'il n'y a pas un engagement chrétien. Je crois que nous devons passer du temps là-dessus. Qu'il n'y a pas un serment, on dit serment chrétien dans la Bible. Le serment, c'est le serment. Donc vous ne verrez pas de mariage chrétien dans votre Bible, il n'y en a pas. D'accord? Vous avez noté Luc chapitre 14. Notez Marc chapitre 12. J'attends, au fur et à mesure qu'il donne le verset, j'attends que vous puissiez vous poser des questions si vous en avez. Donc, quand quelqu'un est engagé dans le mariage, il ou elle est engagé. Amen. Que tu sois chrétien ou non. Et quoi qu'on arrive, t'attends seulement que le moment soit propice pour parler des divorces. Vous avez noté Luc chapitre 14. Marc chapitre 12. Vous avez noté. Notez Luc chapitre 20. Vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a des problèmes à la maison. Parce que généralement, c'est quand, vous savez, quand il y a des problèmes là, vous voyez, chacun cherche là où il y a le truc. Vous voyez, quand on s'assoit, quelqu'un met la main sur sa joue comme ça. Pour dire que Seigneur, fais qu'il laisse ce qu'il prêche là, il parle de mon cas. Seigneur, fais ce qu'il laisse, ce qu'il parle là. Est-ce qu'il me voit même? Luc chapitre 20. et le chapitre 24. Et de Luc chapitre 14 en premier lieu. Marc chapitre 12. Luc chapitre 20 maintenant. Notez aussi Luc chapitre 24 et Luc chapitre 23. Notez Actes des Apôtres chapitre 4. Je ne sais pas ce qu'on va aller dénicher là-bas. On va prendre un des passages, on va lire, on va travailler, Dieu voulant. Notez aussi Actes des Apôtres chapitre 23 et 24. Prenez le temps de lire la Bible, d'accord, frère? Puis notez maintenant Apocalypse, on va y venir tout à l'heure. Chapitre 20. C'est beaucoup là. Notez, vous voyez comment je vais doucement, non? Notez 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Bon, y a-t-il des questions? Je voulais savoir dans Jean. On dit que le Seigneur Jésus qui se baptisait par lui-même, mais ce sont ses disciples. Oui. Je voulais savoir le baptême qu'il... C'est le baptême de Jean. Autre question. Y a-t-il des questions, frère? Je voulais aussi savoir. Ils ont accumulé toutes les questions. Ils t'ont remis entre les mains, non? Vas-y, pose la question, frère. Je voulais savoir dans Matthieu. Oui. On dit que beaucoup des premiers seront les derniers. Uh-huh. Et beaucoup des derniers seront les premiers. Oui. Donc dans Marc, on reprend aussi la même expression. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que les premiers et les derniers, là, de quel groupe de personnes est-ce qu'il s'agit? Les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne connais pas les gens qui étaient dans la foi avant que tu ne sois dans la foi, qui sont maintenant rétrogradés. Tu en connais? Quand ils étaient dans la foi, ils couraient vite. Ils allaient où? Vous savez, quand vous croyez directement, vous avez comme l'impression qu'il faut que vous sortez partout pour que tout le monde croit, non? N'est-ce pas, frère? Amen. Vous croyez que dans votre lieu de service, il faut que tout le monde croit, vous allez attraper même les gens avec la main qui croient. Après que vous commencez à comprendre la réalité des deux natures, qu'il y a des gens, quand même vous dites la vérité, de l'homme, ça veut dire que ta tête ne tient pas. Et comment tu fais pour croire ces bêtises-là, ces sottises-là, les livres qu'on a à fabriquer, que les blancs ont fait? Prouve-moi que Dieu existe, comment, hein? Comment celui-ci fait pour croire ça? C'est là que tu confirmes que non, il y a deux natures. Des questions? Oui, mon cher. Lorsque la Bible dit supporter vous, comment considérer cette parole envers quelqu'un qui étant considéré déjà comme conducteur, oui, te regarde en face, se met à mentir et à propager des calomnies sur toi? Là, tu es en train d'accuser quelqu'un là maintenant. Tu n'es pas de poser une question dans la Bible. Non, c'est pas une question. Parce que tu dis que si quelqu'un se dit conducteur, parce que la Bible me dit que je ne reçois point d'accusation sur un conducteur, si ce n'est sur la déclaration de deux ou de trois témoins. J'attends une question d'ordre biblique. C'est une accusation. Tu accuses la personne. Je prends, je garde. Puis je vois s'il y a une autre accusation. C'est l'ordre biblique là-bas, d'accord? Parce que tu as pris le verset biblique. Tu dis, supportez-vous les uns les autres. Il n'est pas écrit dans ce verset-là que les conducteurs. Ça, c'est la référence biblique. Et maintenant, la Bible, dans ces versets 12 et 13 de Colossiens chapitre 3 que je viens de citer, continue que, et si l'un a raison, quoi, sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, tu as pris une petite partie de ce verset-là, n'est-ce pas, frère? Donc, si c'est une accusation, tu gardes de côté, tu me vois à part pour dire que telle personne a fait telle chose, et qu'on voit la conduite biblique par rapport à cela. Mais ici, je suis en demandé les questions d'ordre biblique pour qu'on explique selon les Saintes Écritures. Attends, il ne voit pas de ce côté-ci. Il y a des questions? Oui, mon cher. Je voulais demander dans Romains 2, oui, au verset 16, oui, où il est dit que Dieu juge. On va juger les pensées secrètes des hommes, oui, selon son évangile. Par Dieu jugera. Par Jésus-Christ, oui. Ce que je voulais savoir, c'est dans le verset, on avait dit que Jésus-Christ est Dieu qui va juger le monde. Tu me demandes ou bien tu en as dit? En fait, je l'ai dit, j'ai médité dessus et c'est la, oui, conclusion à laquelle je suis arrivé. Que quoi? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais c'est partout, la Bible montre qu'il est Dieu. Même si tu n'as pas la Bible, il est quand même Dieu, frère. Non, je veux dire que si cette expression, c'est ce que ça veut dire. Ah non, la dernière fois, je vous avais demandé de méditer sur Dieu jugera le monde par Jésus-Christ, c'est ça? Oui. Là, il me tourne vers les frères. Avez-vous aussi médité? Mais c'est quand même curieux. Ce que vous avez mangé quand vous êtes. Le 18 est là parce qu'on n'a pas encore coupé le jeûne. Comment il peut me regarder comme ça? Comment, frère? C'est quoi donc? Vous ne lisez pas ici la semaine dernière où nous parlions? C'est la semaine dernière, non? Vous êtes là presque sans. Vous n'étiez pas là? Bah alors, je pose la question. Est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que le frère s'est arrivé dans ses Romains 2, verset 16 où l'apôtre Paul dit: c'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les pensées, les actions secrètes des hommes. Il dit, allez méditer sur l'expression, Dieu jugera par Jésus-Christ, jugé par Jésus-Christ. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30 à 33, ça apparaît encore que Dieu a donné la preuve en ressuscitant, il jugeait le monde par l'homme. Donc il a donné la preuve qu'il a ressuscité la mort. Il dit, qu'est-ce que veut dire juger par l'homme? C'est ça, n'est-ce pas? Bon, déjà, qui va juger le monde? Ce n'est Jésus-Christ qui va juger, n'est-ce pas? Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous révèle ça. Quand vous lisez l'Ancien Testament, qui va juger? Jésus-Christ, dans Jean, chapitre 5, dit clairement que le Père ne juge personne, non? Amen. Mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, en tout cas, il a changé son plan. Donc, allez donc méditer, n'est-ce pas, frère? Donc, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez avoir comment on va dire que l'Éternel est sur son trône. Il était même sur son trône au de lui, pas vrai? La justice et l'équité sont la base de son trône. L'Éternel c'est le juste juge. Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Vous avez vu ça dans Psaume 82. N'est-ce pas? Amen. Et le Nouveau Testament commence à dire, lui-même vient dire que c'est Dieu ne juge personne. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Qu'est-ce qu'il en a dit, frère? Oui, bon. Y a-t-il d'autres questions? Oui, mon cher Arnaud. Quand David dit de retour, la première des choses, il a convoqué les Lévites et les anciens d'Israël et qu'ils allaient chercher l'arche de l'Alliance. Je voudrais savoir bon, quelles étaient ses principales motivations. Parce que lorsque, quand il revient, on a pu garder l'arche chez Bethléem. Oui. C'est plus tard que David va ramener. En fait, l'histoire, tu n'as pas bien raconté l'histoire. C'est une faute, c'est une correction qu'il a fait, que les Lévites ne peuvent pas prendre. Dans ce livre des 1 Chroniques, quand tu regardes très bien, dans le livre des 2 Chroniques, tu regardes très bien, il va avoir l'intention parce que du temps de Saül, si vous lisez 1 Samuel, vous allez voir effectivement que Dieu va prophétiser depuis le temps de, comment ça s'appelle, le camp de Héli, le souverain sacrificateur, au chapitre 3 de 1 Samuel. Dieu va venir prophétiser par un prophète que voici, il a averti à la maison d'Héli que de ce qui c'est toutes les exactions qui se fassent pour son fils. Et là maintenant, on lui a donné comment ses fils doivent mourir le même jour-là. Et l'âge est allé en captivité, n'est-ce pas, frère? Et là, maintenant, quand David sera roi, il va dire que, ok, mais depuis là, l'âge n'a pas trouvé le repos. Alors maintenant, prendre l'âge. Il avait raison. Donc, il y a un problème qui s'est posé. David s'est proposé d'aller prendre cette âge-là. En allant prendre, il n'a pas consulté le prophète qui était là, le prophète Nathan, et ainsi de suite. Ce n'est pas les Lévites qui sont allés. Ils sont allés, c'est là où Uzza est mort. Quand Uzza est mort, maintenant, c'est là où il a concerté, s'est concerté avec les Lévites et autres. Là, il dit sanctifiez-vous. Parce que la première fois, quand vous n'y étiez pas, quelqu'un en est mort. Ils sont sanctifiés. Ils sont allés prendre donc, l'âge de l'Alliance. Et comme il avait vu que l'âge avait tué quelqu'un une première fois, c'est là qu'il allait mettre dans le domicile d'Obed-Edom. Et c'est là, l'âge a commencé à le bénir. Ça a béni toute sa famille. Il a encore dit, ah, c'est comment? La même âge qui tue les gens, béni. D'accord, frère? Donc, la motivation de David, c'est que c'est quelqu'un qui aime être dans la présence de Dieu. Voilà la motivation. Il aime être dans la volonté de Dieu. Il aime être, même s'il fait la faute, il veut être corrigé par Dieu. Oui, ta question devait nous amener au frère Arnaud. Tu posais ça pourquoi? Tu as vu l'âge quelque part aussi? Ou bien tu veux construire l'église pour Dieu? Hein? Si il n'y a plus de questions, on commence avec les passages que vous avez là devant vous. Dehors là, vous allez bien? S'il n'y a pas, si il commence à lire, ne posez pas de questions. C'est ça qu'il veut que vous épuisez toutes vos questions dans votre lecture, tout ce que vous avez dit dans vos lectures. Si vous avez eu des précautions. Mais t'inquiète pas, même ces 20 questions posent, d'accord? Avez-vous des questions? Oui. Oui, j'aimerais comprendre le verset 4, le verset à la partie A du chapitre 6 du livre de Job. Où Job dit, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Qu'est-ce qu'il veut savoir si tu... Il veut dire que les frères du Tout-Puissant l'ont pincé, frère. C'est pas ce qu'il a dit. C'est parce que tu voulais qu'ils disent comment. Non, quand il dit les flèches, tout puissant mon PC. Je veux comprendre ce qu'il dit. Il a dit que les épreuves de Dieu sont à traverser sur lui. Comment tu comprends pas le français qu'il parle? Okay. On avance. Y a-t-il des questions? Je peux commencer. On peut commencer maintenant, frère. Donc, j'ai dit deux choses ce soir. J'ai dit un, compris pour le prophète ou parce que j'ai vu une attaque. Et la personne qui a commandé cette attaque, c'est un Nigérian. Deux, j'ai vu les gens se réunir et l'hymne national du Cameroun, la version anglaise a changé. Donc, l'hymne national va avoir des problèmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai vu un prêtre anglophone être impliqué. Bon, c'est ce qu'il en est. Et dans une fois de ce, j'ai dit, l'institution va changer. Le Cameroun est indivisible, mais l'institution va changer. Souvenez-vous de cela. Si vous y êtes, maintenant on avance. Apocalypse, chapitre 20, commençons par là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il accomplisse dans votre vie le dessein que lui-même l'a prévu. Amen. Souvenez-vous, si vous êtes son enfant, les vagues peuvent vous amener jusqu'à ce que vous pensez que vous allez vous noyer. Vous lancez les cris de détresse, les cris de Seigneur. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Quand bien même il n'y a pas de voix audible, que vous sachiez qu'il est là, souvenez-vous qu'il est quand même là. Amen. Donc même si vous êtes en train d'aller dans n'importe quelle direction avec le Seigneur, avec les vagues de cette vie-ci, souvenez-vous que l'amour du Seigneur n'est pas conditionné par quoi que ce soit de vous. Souvenez-vous de cela. Il dit l'amour du Seigneur pour nous n'est pas conditionné par quoi que ce soit que vous allez faire. Ce n'est pas parce que vous faites bien sur la terre que Dieu vous aime. Ce n'est pas parce que vous respectez sa parole que vous aime. Et la Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Maintenant, de notre côté, maintenant, c'est à nous maintenant de prouver notre amour. Pour prouver notre amour pour lui, dit, nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements. Prouvons donc, soyons donc reconnaissants vis-à-vis de lui, en marchant comme il veut, n'est-ce pas, frère? En aimant nos semblables. D'accord? Quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire, écoutez très attentivement, avant qu'on commence là. Quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire, quel qu'en soit ce que quelqu'un va vous faire, ou ce que quelqu'un vous a déjà fait, souvenez-vous que vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un qui vous a fait n'importe quoi, sachez que votre vie, vous venez de l'attacher. Dieu n'avancera pas avec vous tant que vous n'avez pas pardonné. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 18. Il y a des situations dans la vie que vous vivez, des situations dans la vie que vous regrettez et dont vous n'avez plus la possibilité de faire la gomme par rapport au passé. Vous n'avez pas la possibilité que ça s'est déjà passé. Il y a des choses que les gens peuvent vous faire et que ça marque négativement votre destinée. Mais quel qu'en soit le cas, sachez que Dieu est le Tout-Puissant. Parce que les tonnes de péché que nous traversions, dont nous portions, il les a mis dans la main de l'oubli, n'est-ce pas? Alors s'il a résolu le plus grand des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre, ce qui est le péché, il nous donne donc tout, pas vrai, frère? Souvenez-vous donc de ceci, c'est que si on vous a fait n'importe quoi, vous n'avez pas le droit de dire, je ne lui pardonnerai point. Et en plus, vous avez intérêt à pardonner parce que votre vie est destinée à en dépendre. Je veux que vous saisissez cela. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et que vous dites que j'ai pardonné à tous ceux-ci, mais celui-ci, je ne lui pardonnerai pas. Quand vous dites ça, ça veut dire que le décret lui-même est sorti contre vous que tous les autres parties de la vie que tu avais pardonné, je te pardonne, mais ceci aussi, moi, je ne te pardonne pas. C'est comme ça que c'est écrit aussi en haut. Donc, tourne-toi, regarde quelqu'un, dit, même si on t'a fait quoi? Même si quiconque t'a fait n'importe quoi, tu as intérêt à pardonner. Regardez, s'il y avait un tableau ici où j'écrivais cela, la partie, ce que je suis en train de dire, tu as intérêt à pardonner. Je devais écrire ça en lettres gros, pas majuscules, gros. Pour que vous compreniez que c'est de votre intérêt que vous pardonnez, quel qu'en soit ce qu'on vous a fait. Amen. Vous savez, c'est ça. Amen. Il y a des gens dont c'est le mari qui les a traumatisés, d'autres dont c'est la femme. D'autres que c'est l'enfant qui te casse la tête, on doit te dire que mieux celui-ci, on peut le pousser pour mettre, tu ne peux pas pousser pour mettre. Quand c'est déjà là, c'est ton problème. Il y a des femmes qui disent que, oh, je veux l'enfant, ils ne savent pas ce qu'elle est en train de chercher. Je vous ai toujours dit, et que vous devez garder ceci à l'esprit, que chaque solution que vous trouvez sur le plan humain, tant que nous sommes sous le soleil, chaque solution que vous allez trouver comme étant adéquate pour votre propre vie, sont des paramètres pour d'autres équations. vous devez résoudre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas marié. Tu dis, oh, le frère Junior est bien, le frère Bob Nadanassé, il est bien. Ah, la sœur grâce. Yeah. Hein? Ok, cherchez la femme. Les paramètres, quand, dès que vous dites que je vais chercher une femme, vous commencez à voir les paramètres. Vous avez vu comment le frère s'est posé la question tout à l'heure là. J'ai d'autres, je ne dote pas. Il faut maintenant l'argent pour la mairie, pas vrai frère? Amen. Et toutes les autres choses. Quand elle, la femme maintenant dit que je vais manger le soir à ce soir, tu dis, tu déranges. Tu déranges, il dérange quoi? Tu avais dit que pour le meilleur, pour le pire, c'est ce que tu as dit là-bas, pas vrai? Les paramètres commencent à venir dans ta vie. Un jour maintenant, elle dit, il y a quoi à cracher dans les mains? Mais ils ont dit, j'ai cherché la lune depuis 2 mois, je n'ai pas vu. Ça veut dire quoi chercher la lune? Il dit, toi tu ne connais pas. Moi je crois parce que je dis chercher la lune. Il dit, si tu cherches la lune, va chercher ça dehors. Après tu vois que le ventre commence à poser, c'est quoi? Il dit, oh, l'enfant est entré. Il dit, hein, l'enfant est entré. Moi je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Le vrai problème n'est pas au niveau de là où tu n'as pas l'argent. C'est depuis le début quand tu as eu aspiré à te marier. Quand tu t'es marié, on dit ouh, tout le monde rit. Les gens qui rient, ils mangent là. Chacun va finir marier sa nourriture, rentrer où? Vous allez entrer dans votre maison combien? Voilà. C'est là-bas que les vrais problèmes commencent. Si par exemple, tu n'aimes pas quand tu parles, les gens rient, chérie, il y a quoi à rire comme ça? Les paramètres de la vie commencent à arriver. Tu dis que mais c'est comment? Vous entendez donc, mais les gens viennent porter plainte et disent que, comment s'appelle ça? Que humeur, il y a quoi, comment ils disent? Incompatibilité d'humeur. Pourtant, dans le monde, ils ont vécu jusqu'à, ils connaissaient les humeurs. Donc, quand ils sont entrés dans le mariage, maintenant, le problème d'humeur s'est posé. Donc, chaque solution que vous avez comme, ah, Seigneur, merci pour le travail. Frère, bien-aimé, témoignons le Seigneur est grand. Il m'a donné le travail, j'étais chômeur, il m'a rendu, maintenant, voilà. Maintenant, le travail qu'on t'a donné, maintenant, on dit que c'est 7 heures. 18h, on te voit encore la prière. Non. Tu dis, mon travail, ça me prend trop. Donc, ma vie spirituelle a régressé. La seule possibilité, quand tu prends la Bible, c'est que le soir, quand tu rentres vers 18h, tu as, avec les embouteillages, tu arrives bien, tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu fais tout pour manger. Tu ouvres la Bible, tu fais. Oh, tu as tellement le manque qui a tué son fils. Tu dors. Quelqu'un qui méditait beaucoup ne connaît même plus là où le livre des gens se trouve. Vous voyez? Le travail venait mettre maintenant la Bible de côté. Maintenant, il va commencer à lutter pour reparamétrer sa vie spirituelle. N'est-ce pas, frère? C'est pour cela que je vous aime quand vous ne travaillez pas. Si vous voulez rire ou ne riez pas, vous allez comprendre ce que ça nous dit. Je vous aime quand vous ne travaillez pas comme ça. Comme ça, quand il y a un bâton, nous coupons ensemble, on marche. Oui, parce que là, au moins, on a le temps de s'asseoir pour dire que, vous savez, vous dites, Seigneur, ah frère, le Seigneur est bon, il dit que c'est quoi? Il a dit seulement que Lazare est sorti, oui. Ouais, le simple fait que nous lisons cela, ça nous donne la joie, pas vrai? Amen. Mm-hmm. Alors que si tu travailles comme ça à la fin du mois, si quelqu'un, un frère vient te dire, ton, va dire, mais qui a dit, c'est sûr que le frère il vient comme ça pour demander l'argent. Le problème de l'amour commence à poser maintenant qu'il faut résoudre, pas vrai frère? Mm-hmm. Quand les gens sont dans la pauvreté, ils peuvent mieux s'aimer. Quand les gens ont de l'argent, des matériels, ça commence à être des jeux d'intérêt. Alors maintenant, quel qu'en soit ce qui veut vous arriver, quel qu'en soit ce que quiconque vous a fait n'importe quoi, souvenez-vous que vous devez pardonner. Amen. Ça doit être le principe de votre vie. Si vous n'avez pas ceci comme base, vous allez avoir les crises cardiaques, c'est-à-dire les choses vont grandir sur votre cœur et vous causer le cancer. D'accord, frère? Vous devez pardonner. Même si votre chair refuse, vous avez intérêt à pardonner parce que votre destinée en dépend. Donc lorsque vous dites à quelqu'un que pour moi, il est mort et enterré, sache que tu es enterré avec lui là. Le jour où tu vas le déterrer, Dieu te déterre, vous avancez. D'accord? Apocalypse chapitre 20, donc. Que Dieu vous bénisse, donc. Tu parles parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. On avait prêché à Bafoussam comme ça, prêché. Vous savez, on est allé à Bafoussam, quand on a prêché, c'était Dieu à Bafoussam. Le chef des chaînes est venu nous dire que, frère, ouais, on sait que vous dites la vérité, mais temporisez un peu. On m'a appelé, on m'a chauffé que faut temporiser. On était à l'antenne comme ça. Je me suis tourné vers le frère, dit qu'on fait comment dire, parlons de pardon. On a parlé du pardon. Même le pardon qu'on a parlé, c'était un autre problème. Quelqu'un a appelé, dit que toi-même qui tu parles là, toi-même, on t'a déjà fait vraiment quelque chose de dehors. Est-ce qu'on t'a déjà fait quelque chose de dehors? C'est ce que tu dis que tu bavardes là ou à l'antenne qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Tu comprends que cet homme-ci, il reste dehors, il dit que c'est le type, le cougar qui est là-bas, il ne sait même pas ce qu'il bavarde. On m'a fait ça du dehors. Même si on t'a fait n'importe quoi du. Le Seigneur Jésus a donné cette parabole de Marc, de Matthieu, chapitre 18, là, deux personnes qui se devaient l'argent les uns les autres. Vous avez vu comment l'autre a remis la dette. Et quand il est sorti, il dit merci Seigneur. Quand il sort, il voit quelqu'un qui lui devait un peu de dette seulement. Il attrape cette personne, parce que la personne lui prend cette dette. La Bible déclare que la première personne qui lui avait remis, remarquez très bien que la personne lui avait d'abord remis sa dette. C'est-à-dire que tu me dois 10 millions. Tu viens dire, oh pardon, je ne peux pas te payer tes 10 millions. Je dis, ok, je te pardonne. Annulons cette dette-là. Tu sors, tu vois quelqu'un qui te doit 10 000. Tu te donnes mes 10 000, tu attrapes la personne parce que la personne te donne 10 000. On veut me raconter maintenant que, hey, est-ce que tu sais que la personne à qui tu as remis 10 millions n'a pas admis à remettre la dette aussi de quelqu'un qui lui devait 10 000? La Bible déclare que le premier, furieux, a fait venir celui-là, l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il n'ait pas sorti tant qu'il n'a pas payé les derniers cadrans. Vous entendez cela? Or, cette personne a d'abord remis sa dette. Donc, il est revenu là-dessus. Puis, le Seigneur Jésus-Christ dit dans saint Matthieu chapitre 18, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas. Les uns les autres. Il y a un mot. Vous ne pardonnez pas? Allons-y encore. Qui ne vous pardonne pas? Lisons d'abord là-bas avant de voir. Pour que vous voyez que c'est écrit là. Verset 32, il va lire verset 32 jusqu'à 35 là. Matthieu chapitre 18. Matthieu, le chapitre 18. Ou bien, putain, lisons du verset 21, d'accord, pour lire l'histoire, d'accord. Parce qu'il parle, j'ai l'impression que certaines personnes ne connaissent même pas l'histoire, donc je suis en train de parler. Regardez. Matthieu 18, il va lire le verset 21 à 35. Écoutez. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Puis donc maintenant, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, vous avez vu le mot frère, soulignez ça dans votre Bible. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous avez vu ça frère? Lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ça c'est la personne à qui on a remis la dette là. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Vous avez vu ça? 100 deniers, là il devait 10 000 talents. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître, nous sommes au verset 32 là maintenant, n'est-ce pas? Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais souligné méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi, vous y êtes, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Souligné. Vous avez vu donc le qualificatif dans ces paraboles-ci du royaume, c'est le principe du royaume. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est comme ça que le Père Céleste va traiter chacun de vous. Donc ici, il a appliqué en dehors l'explication, que ce soit au nom un peu plus clair. Donc il dit ici que c'est comme ça que Dieu va traiter chacun de vous si ne vous pardonnez pas de tout votre cœur. Donc quand tu vas dire, il faut que, ah mon Dieu, arrangez votre vie, particulièrement dans ce domaine-ci, que personne ne soit sur votre cœur que vous avez gardé, arrangé, même si on vous a fait n'importe quoi. Souvenez-vous que ce qu'on vous a fait n'est pas éternel. Vous-même, vous n'êtes pas éternel sur cette terre. La personne qui vous a fait ça n'est pas éternel. Il y a un qui est éternel qui va juger tout. Donc remettez-lui tout et simplifiez tout, d'accord? Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ appelle tous ceux qui n'ont pas pardonné à leur prochain de tout leur cœur, le fait que Dieu lui a aussi pardonné, il l'appelle méchant serviteur. J'ai demandé que vous souligniez ça pour que ça reste dans votre esprit. Donc chaque fois que vous allez retenir quelqu'un sur votre cœur, sachant que vous êtes méchant. Donc désormais, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, quand vous lisez, vous ouvrez la Bible dans le livre des psaumes, vous lisez, vous voyez, les méchants périssent. Le méchant périt. Sache que c'est le temps d'un temps. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rattons notre Apocalypse, la lisons. Apocalypse chapitre 20. Si on pouvait avoir une atmosphère comme ça, là, vous pouvez me permettre de prêcher jusqu'au matin. On prêche la Bible, on enseigne la parole, on se laisse laver, baigner dans cette parole. Pour que ça entre dans chaque atome, chaque cellule, chaque gène de notre vie, de telle sorte que notre parole dans nous soit héréditaire. Amen. Que ce ne soit pas les Thénosies 21. Puis je vis, verset 1 de Apocalypse, chapitre 20, là. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pendant qu'on y est, je viens de penser. Le moment va venir, on va prendre une série seulement sur l'Apocalypse, on va prendre chapitre 1, on va lire en travaillant là-dessus jusqu'au chapitre 21. Là où ça va nous amener, d'accord? Il dit, le moment viendra. Si vous trouvez les jours comme des fériés, s'il y a des fériés que vous avez en vue, vous savez qu'il y a un férié, préparez cela vous, comme ça on vient depuis le matin, on travaille là-dedans. S'il y a des fériés, dans deux semaines. Et je dis verset 4, et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Voici donc les choses que vous ne devez pas rater dans la Bible. Je veux que vous regardiez ceci. Je veux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous reteniez ceci. Que des gens envoient des dieux pour vous prêcher l'évangile. Les gens, comme on les rabout sur la terre, je ne dis pas les pasteurs, je n'ai pas dit ça. Je dis les gens envoyés. Des dieux pour prêcher, pour annoncer les oracles des dieux sur la terre. Vous les rejetez sur la terre, vous allez les retrouver s'asseoir pour vous juger. Je veux que vous saisissez. Regardez là. Il dit, Dieu envoie quelqu'un que va le dire à Ninive, répands-toi. Va le dire, va prêcher sur la terre. On prêche, dire, ah, tu te déranges. Ah! Quand le soleil va s'arrêter et quand va rouler ce que vous avez au-dessus de vous, là que vous appelez ciel, et que les éléments vont passer avec fracas ce jour-là, que la montagne va se soulever, frapper dans la mer, tout va se dissiper, et que mon père se tiendra devant le trône. La Bible déclare qu'il y aura des trônes qui vont s'asseoir. Vous allez passer devant cela. Et vous allez remarquer que la personne que vous avez jetée sur la tête, un prédicateur, et comment celui-ci, quand sa chaussure, mon pasteur a les gros costumes, vous allez le voir s'asseoir là-bas. Là-bas, faites même si vous avez l'argent sur la tête, vous allez fouiller votre porte-monnaie là-bas, vous allez voir que ça ne sert à rien. Là-bas, il n'y a pas de négociation là-bas. Le jugement sera conforme à la parole qui a été prêchée. Donc vous rejetez l'évangile sur la terre, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une partie remise. La parole qui a été prêchée. Si on vous a dit que prêcher, que marcher dans la sainteté, c'est comme ça à la droite. Si vous dites sur la terre, ah, vous allez retrouver là-bas avec ça, ça va être prêché encore. Regardez verset 4. Et je vis des trônes. Il faut que vous remarquez que trône est au pluriel, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, écoutez très attentivement. Il y a le trône principal, le trône des dieux. Il y a les trônes des 24 vieillards, des anciens, les 24, des 12, les 12 d'Israël, 12 et 12 apôtres. Ça, maintenant, il y a encore des trônes. La Bible déclare là, c'est même pas le sujet même. Je crois qu'il faut qu'on vienne dans cette étude-ci. Ceux qui étaient assis, le pouvoir leur fut donné de... Ah, qui es-tu pour juger? Tu es là sur la tête, qui est-tu pour juger? Attendez, vous allez retrouver. Maintenant, de toute façon, avançons ici. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Vous y êtes. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Je veux que vous souligniez à partir de ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Avant qu'il continue au verset 5 là. Vous avez souligné la dernière partie du chapitre du verset 4 là. Que notre Père vous bénisse vraiment. Amen. Un de ces jours, la splendeur du ciel, ce que nous apprécions là, va devenir lugubre, lugubre, ténébreux, où l'éclat des étoiles vont se retirer. Un jour, on ne doit pas dire ça, c'est le jour, c'est le matin, c'est quoi? Ces cumulus, les nimbus vont s'accumuler, tout va noircir. Vous allez savoir, ça va être secoué comme ça, comme les crins. Vous allez trouver que le soleil a commencé à rougir, le sang. Et là, chacun va commencer à bouger la tête sur la tête. Voilà le grand jour de la colère de celui qui est assis sur le trône. Quand ce jour-là va arriver, un de ces jours, il n'y aura plus de possibilités. En fait, Dieu, le Dieu de la Bible, va enlever la pensée de la repentance. Il va enlever la pensée de la repentance. C'est-à-dire que quand tu vas voir cela, tu vas seulement chercher ce que tu cherchais chaque fois. C'est-à-dire que quand il y a un problème, tu cherches des solutions humaines. Quelqu'un ne doit pas avoir à l'esprit que non, il faut que je me repente. Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 16, prenez le temps de lire. Lorsque la colère, les choses vont frapper sur la terre, la Bible déclare qu'ils ne vont pas rester repentis devant Dieu en donnant gloire à Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux-là. Ils vont maudire. Pourtant, ils vont dire que la montagne et les pieds se couchent sur nous devant la colère de l'agneau. Ils savent que c'est la colère de l'agneau, car son jour est arrivé et qui pourra subsister. Mais ils ne savent pas qu'il suffit de dire, Seigneur, aie pitié de nous. Le mot-là, ça va être effacé de leur vocabulaire. Être effacé de leur... C'est le moment de se repentir, de marcher droitement. C'est le moment. Parce que lorsqu'il se lève et que ces choses-là commencent à se prendre, souvenez-vous du prophète Élie, quand il s'est tenu là, il a mis ses mains dans ses pieds. Il est allé de haut auprès du Père. Est-ce que c'est le moment? Il a dit que, regarde du côté de gauche. Il a regardé, il dit que, oh, va de ce côté-là, va regarder ce qui se passe. C'est un petit cumus comme ça. Il s'est tourné, il a dit que, dis à Akab qu'il a intérêt à courir, à Josaphat qu'il a intérêt à courir rapidement avant que la pluie ne tombe. Pas vrai? Lorsqu'il a commencé à courir, la pluie a fait beaucoup, beaucoup. C'est comme un poignet de main. Cet nimbus qui s'est accumulé là-bas, n'est-ce pas? Comment ça fait pour déclencher toute une pluie? Il dit, un de ces jours, c'est le moment, et une noirceur sort. Cette noirceur n'est plus comme les autres noirceurs qu'on a toujours eues. Des phénomènes terribles vont se passer dans les cieux. Ça se prépare tout juste au-devant de nous. Donc, la dernière partie du verset 4 encore dit, il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Maintenant, on a spécifié ceux qui sont revenus à la vie. On a dit ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Nous, ici sur la terre, dans notre génération Android, on dit que non, les persécutions, ce n'est pas pour nous. Mais regardez bien qui ressuscite. Plus on dit les gens qui n'avaient pas adoré la bête, ceux qui n'avaient pas pris la marque sur leur front ou sur leurs mains, ceux-là revinrent dans la vie et régna avec Christ pendant 1000 ans. Je vais parler de la première résurrection et de la nécessité de ne pas la rater. C'est de ça dont je vais parler. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais donc parler, tous les versets que vous avez lus donc parlent de cela. Alors, et Dieu voulant, je vais en ajouter si ça vient. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Je vais parler donc de la première résurrection et de la nécessité de ne pas la rater. Vous me suivez donc, n'est-ce pas? Ok, maintenant, continuons donc le verset 5 maintenant. Je vais parler donc, bien-aimés, vous qui m'écoutez, je parle donc de la première résurrection et la nécessité de ne pas la rater. Écoutez, ce dont on a envie de parler, c'est remarquez très bien qu'il y a des gens qui ont été décapités. Ça veut dire qu'on a coupé leur tête, ou bien coupé leur maman, ou séparé, ou bien brûlé. Pour tout cela, quand vous aurez le temps, lisez Hébreux chapitre 11. Quand vous allez Hébreux chapitre 11, vous voyez toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le compte rendu de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Prenez le temps d'étudier comment est mort l'apôtre Paul. Comment est mort le frère Thomas? Comment sont morts Matthieu, Marc, comment essayer d'étudier Polycarpe. Comment essayer de voir comment d'autres ont été jetés en pâture, d'autres ont été séparés de leur corps. Mais aucun atome de leurs cheveux, dit la Bible, ne peut tomber sans la volonté du Père. Et Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 16, si vous lisez le verset 2 de Jean chapitre 16, il dit, l'heure vient même où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc on va dire que sur la terre vous dérangez. Vous allez à contre-courant de tout ce qui est normal. On dit que non, voici la norme. Nous servons tous le même Dieu. Réunissons-nous ici, faisons comme ça dans un conseil pour que tout soit en ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce qu'ils vont prendre les versets bibliques. Alors ceux qui vont se tenir disent non, nous ne voulons pas cela. Ça c'est anti-scripturaire. On va dire non, non, ceci il faut qu'il soit éliminé. Parce qu'il ne respecte pas l'ordre que Dieu a lui-même établi. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et là, on va les tuer. La Bible déclare donc que leur sang parle plus que celui d'Abel. Le témoignage de leur sang va parler plus que celui d'Abel. La preuve, les voici qui vont ressusciter. Maintenant, avant d'avancer, je veux que vous sachiez que votre Bible parle qu'il y a deux principales résurrections. Il y a des résurrections dans la Bible. C'est deux principales qui nous intéressent. D'accord? Ce qui m'intéresse le plus pour nous qui sommes vivants, c'est la première. La deuxième ne m'intéresse pas. Continuons à lecture et puis voyons. Nous sommes au verset, je lis la dernière partie du verset 4 là encore. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Je veux que vous n'oubliez jamais, puisqu'on dit ici qu'il revint à la vie, il revint à la vie et il régnait avec Christ. N'est-ce pas frère? Maintenant, je veux que vous n'oubliez jamais le groupe de personnes à qui on a laissé, qui revint à la vie. Parce que maintenant, on dit que ah, nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous comme ça. En principe, c'est comme ça. Mais il y a des groupes de personnes dans nous dont on parle. Je ne sais pas si vous suivez. Ok, maintenant, avançons verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent. Vous avez vu ces frères? Les autres morts ne reviennent. Donc, il y a une... Enfin, de toute façon, continuons. C'est la première résurrection. Vous avez vu ça? C'est la première résurrection. Puis, le Saint-Esprit déclare dans le ciel, heureux et saints ceux qui ont part à la... Vous avez la Bible devant vous, frère. Puis, le Saint-Esprit pondu par heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Puis, il dit quoi? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce qu'ils seront quoi? Vous lisez dans vos gorges, c'est moi, c'est comment? Je recommence encore. Le Saint-Esprit, après avoir localisé clairement ceux qui n'auront pas la première résurrection, il donne la sentence en disant heureux et saints qui? Ceux qui n'auront pas la première résurrection. Oui. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Donc, si on ne vous dit pas ces choses si bien, pour que vous sachiez bien ce que la chose dit bien, vous allez commencer à lire la Bible, faire n'importe quoi, dire, ah, nous sommes chrétiens, quand Christ va venir, on va partir. Faites attention. Il y a les conditions. C'est pour ça que je suis là ce soir. Pour que nous regardons la première résurrection. Et que nous comprenons comment y avoir. Vous ratez la première résurrection. Vous ratez la première résurrection. Bon, mais de toute façon, on a dit clairement là que les autres morts ne reviennent point. Donc, ils étaient dans la poussière. Vous entendez ça, frère? Puis la Bible spécifie que ça, c'est la première résurrection. Ok. Je crois que je ferai mieux de lire. D'abord, je vais finir de lire, puis déposer la Bible là, et puis on va parler. Maintenant, regardez. Je commence encore. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Soulignez ça dans la Bible. Que Dieu notre Père vous bénisse. Alors que vous écoutez ceci. Amen. Et que vous comprenez que la vie chrétienne est la vie véritable. L'espérance de notre foi est l'espérance véritable. C'est véritable. C'est à quoi nous avons cru. C'est pour cela que ça dérange. C'est pour ça que ça dérange les dominations. Parce qu'ils savent qu'ils sont perdus pour l'éternité. Et les poltrons comme nous sur la terre, des moins que rien, Dieu leur accorde la vie éternelle. Ça les dérange. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. La résurrection. c'est ceci, c'est ce domaine de la prédication. C'est ce que je vais toucher là maintenant et dans la suite des jours. Ce domaine dont je vais parler, c'est l'une des révélations de la manifestation des fils. C'est l'une des révélations de la manifestation des fils. Lorsqu'on va parler de cela, vous allez voir dont il est question, de quoi est-ce qu'il est question en réalité. Donc le Seigneur nous dit ici que heureux et saints. Heureux et saints. Donc ils sont heureux, ils sont saints. Ceux qui ont part à la première résurrection. Puis il dit, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Donc ça veut dire comme ils sont ressuscités, ils ne mourront pas. Et souvenez-vous dans le chapitre 21 que vous avez devant vous, verset 8. Lorsque la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs et tous les soucis, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est quoi? Donc ceux qui ressuscitent pour la première résurrection ne pourront jamais passer en enfer. Hein? Ils ne pourront jamais passer en enfer. J'ai envie que vous m'écoutez pas quand on prêche ici. Comment? Il faut que vous changez de langage, d'accord? Donc, ceux qui vont ressusciter la première résurrection n'auront point jamais de pas à la gêne, pas à l'enfer. D'accord? Pas au séjour des morts, parce que le séjour des morts, c'est l'enfer. On a déjà vu ça ici. Voilà, je recommence encore. Donc, ceux qui ont pas la première résurrection ne verront plus jamais la gêne. Parce que le chapitre 21, le verset 8, dit que la seconde mort, c'est ça, c'est à l'intérieur de l'étang Adam de feu, la gêne. Puis on dit ici que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde, on n'a pas le pouvoir. Donc la Géhenne ne les concerne pas. En fait, ils seront sacrificateurs. Et parmi eux, il y a des juges. Pas vrai? Celui qui va juger ne peut pas aller au jugement. C'est pour ça qu'au chapitre 26, ça va finir maintenant. Puis un trône va s'asseoir. Les morts vont maintenant quoi? Les morts vont. Ceux qui étaient dans le séjour de morts vont. Ceux qui étaient dans la mer vont. Même la mort même paraît. On va les placer là maintenant. On va les juger. Ceux-ci maintenant pourront. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, ceux-ci maintenant, on va te demander, ok, dis-moi pourquoi j'avais prêché sur la terre, tu avais refusé. Ah. Avançons. Verset 7. C'est le verset 7 où nous sommes, n'est-ce pas? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Écoutez attentivement. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Ah mon frère, c'est terrible. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, si quelqu'un n'a pas part à la deuxième résurrection, à la première résurrection, la seule condition que tu n'entres pas dans le feu, c'est que quoi? Frère, nous avons lu la Bible, je vous pose la question, vous ne voulez pas qu'il parle? Ça vous énerve ce que j'ai dit? Je recommence encore. La première résurrection, on a donné la condition pour y participer. Enfin, je vais revenir là-dessus. La seconde résurrection est arrivée. On ressuscite tout le monde, n'est-ce pas? Quelle est la condition pour que, tu ne sois pas jeté dans le feu? Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Maintenant, regardez-moi très attentivement dans les yeux. À quel moment les noms sont écrits dans le livre de vie? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est terrible, pas vrai, frère? Donc, on est fichu. Donc, on est fichu. Parce qu'il n'y a pas à dire sur la terre que Seigneur, why? Seigneur, j'ai débroussé l'église, j'ai nettoyé le banc qui était cassé, c'est moi qui ai écrit mon nom. Seigneur, écris mon nom, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, les noms sont écrits bien avant la fondation du monde. Et ici, on vient nous dire, le jour du jugement, quand le trône va s'asseoir là, les gens dont le nom n'a pas été écrit, on dit quiconque soit président de la République, ministre des Finances, grand milliardaire sur la terre. Lui, on ouvre comme ça. Si on lit les A, ça finit. Et que ton nom, c'est Atangana. Tu n'as pas suivi un Atangana. Sache qu'il n'y a pas bis. Il n'y a pas deux livres. On dit qu'un autre livre fut ouvert. Lorsqu'on lit tous les A, les noms des A qui sont sur la terre, tu n'entends pas ton nom, que ton nom, quand même, Ambassa, Ayama. Si tu n'entends pas, quand on finit là, vous savez, il y a un autre qui a dit que le quoi hein? Que le sort. Et là, quand tu sors, c'est pour entrer au frère. Tourne-toi dans mon. Dis à ton frère et à ta soeur à côté de toi. Fais tout et tout pour participer à la première résurrection. Je sais ce que ça implique. Je sais qu'il y a des débouchés de ce que je viens de dire là, ce que ça implique. Qu'est-ce que j'ai à faire donc? Vous allez bien, frère? Mais si vous me saisissez bien, vous me saisissez bien, n'est-ce pas? La résurrection donc a toujours créé problème dans la prédication. Enfin, le Seigneur Jésus a confronté ça. Dans ce livre de Luc, chapitre 20, dont je vous parle, il a confronté les Sadducéens là-bas. N'est-ce pas? Amen. Il a confronté les Sadducéens là-bas. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort. Les anges n'existent pas. Parce qu'ils croyaient cela impossible. Mais il y a la résurrection d'entre les morts. Il y a la résurrection d'entre les morts. Bien plus, la Bible parle de la résurrection des justes et des injustes. C'est-à-dire que crois qu'il y a résurrection. Ce n'est pas ça le problème. Ne crois pas qu'il n'y a pas résurrection. Ou bien qu'il y a résurrection. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ce niveau-ci, ce n'est plus la foi dont il est question. Écoutez très attentivement, je veux que ce soit bien dit pour que vous me compreniez bien ce que je veux dire. Ce que je suis en train de dire là maintenant, parlant de la résurrection du Seigneur, que le Seigneur a prévu dans son plan, vous devez croire ou vous ne devez pas croire, ce n'est pas le niveau de la foi ici. C'est un fait. C'est un décret. Donc, ce n'est pas que vous croyez qu'on ne croyez pas. Qu'on ne croyez ou croyez, ça ne change rien. Parce que les athées, Dieu va les ressusciter. Remarquez très bien dans ce livre d'Apocalypse que nous avons lu là-bas, le diable n'a pas été jugé, n'est-ce pas, frère? Le faux prophète n'a pas été jugé, n'est-ce pas, frère? La bête n'a pas été jugée, n'est-ce pas, frère? On les a seulement pris, les jeter là-bas, les jeter là-bas. Ils sont déjà condamnés. Mais il faut que chacun de nous donne le compte rendu de ce qu'il aura fait sous le soleil. Vous me suivez là? Amen. Alors, si on dit ici, ce que nous sommes en train de parler là maintenant de cette résurrection, ce dont nous sommes en train de voir, en tant que cette résurrection dont nous parlions, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne dépend pas que vous croyez ça ou pas. Que vous croyez qu'il y a résurrection, ça ne change rien parce que les pharisiens, eux, ils croyaient. Si vous ne croyez pas qu'il y a résurrection, vous n'êtes pas le premier, les sadducéens ne croyaient pas. Et les pharisiens qui croyaient qu'il y avait résurrection, et les sadducéens qui croyaient, Jésus a quand même dit dans Matthieu, Jean chapitre 7, le verset 19, que Moïse vous a donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Mais ils se sont efforcés à croire quand même qu'il y avait la résurrection. Ils s'efforcent à savoir que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-ci, nous ne savons d'où il est. Ça ne fait pas de ça l'entrée. La première condition pour y entrer, c'est de la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre accomplie à la croix. C'est la première. C'est le premier pas. Maintenant, lorsqu'on y entre, c'est la clé pour y entrer. Lorsqu'on y entre maintenant, il faut qu'on se résout donc à travailler dans la sanctification. C'est ici donc le chemin. Le chemin rocailleux, dur. Remarquez bien, c'est ce que le Saint-Esprit dit dans ce verset 4 là, verset 5. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde, on n'a plus pour eux. Parce qu'en réalité, sur la terre, pour eux, Dieu a jugé Christ. On a jugé Christ et on a trouvé bon. Le Seigneur a jugé Christ. Et il a trouvé bon que la condamnation de ceux-là tombe sur le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne peut plus être jugé. Vous voyez cela, frère? C'est parce que vous me saisissez. S'il dit quelque chose, un segment de phrase, vous ne comprenez pas, vous dites, répète que je dis ce que je viens de dire. Ceux-ci, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux parce que la seconde mort vient parce qu'il faut y avoir un jugement. Mais pour eux, le jugement il a tombé sur quelqu'un. Donc on les a déjà jugés. Sur la terre, on les a jugés. Quand on les a jugés, on les a condamnés. Et par conséquent, ils ne seront plus jugés. On ne peut pas juger pour les mêmes personnes, pour les mêmes fautes, deux fois différentes. Donc, le prix a été payé pour eux. Maintenant, on dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, prenez donc le livre de... quand vous allez rentrer, vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 10 et le verset 20. Là où on dit clairement qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. N'est-ce pas tout le monde lit ça? N'est-ce pas? Car nous sommes tous sacrificateurs. Pointe quelqu'un dit, c'est pas comme ça. Remarquez très bien ici qu'il est écrit. Lisons cela dans ce livre de Apocalypse. Allons au chapitre 1, le verset 4. Lisons cela et puis on lit au chapitre 5 ici pour vous voyez. C'est pour cela que je vous ai dit ici que attention à la confession de la foi. Dans un enseignement, on en a parlé. Que le fait que vous lisez quelque chose, que nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Faites attention, c'est pas comme ça. Ça doit se réaliser en toi. Tu dois être parmi. Si tu n'es pas parmi, c'est que tu récites et t'engages que toi-même. Donc, supposons que vous ayez lu ce Apocalypse chapitre 20. Tu dis, ouh, heureux ceux qui ont pas à la première résurrection. La seconde, on n'a pas le pouvoir. Ouh, la seconde, on n'a pas le pouvoir sur moi. La seconde, on n'a pas le pouvoir sur moi. Attends, quand la seconde va venir, tu vas savoir si. Là-bas, la Bible, si ça ne fait rien. Arrêtez la Bible sur vous. Cousez vos habits comme les Jérusalemois là. Mais écrivez les versets pour vous. Je suis protégé par le sang de Jésus. Tu vas entrer, c'est ça qui va commencer à te brûler. Mettez les stickers des pasteurs avec pasteur ou un que by fire, by fire, ou enter. Ce n'est pas comme ça qu'on entre. Vous m'écoutez, frère. Amen. Portez le gandoura de votre pasteur. Mettez ça sur vous. Mettez le fire. I am covered by the blood of Jesus. I am protected. I am Holy Ghosted. Pour que quelqu'un dit, ce n'est pas comme ça que ça entre. Dieu a mis dans cette manière-ci ses conditions à lui pour participer. Vous faussez la condition, vous trouvez exactement là où les faussés vont entrer. Dieu est droit, son jugement est juste, il ne fait exception de personne. Chapitre 1. Non, Dieu va comprendre. Il sait que je ne suis pas... que... parler. Donc, avec notre compte, vous croyez que Dieu a un cerveau qui marche, qui a souvent les nerfs comme nous? Ok. Chapitre 1, verset 4, regardez. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui a lavé de nos, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chaque fois, je vous salue ici comme ça. Pas vrai? Quand il finit, il dit Amen. Vous dites Amen, vous ne comprenez pas pourquoi il dit cela. C'était en préparatif de ceci. C'est pour cela qu'il le faisait. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Vous dites Amen. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour dire son Père? À lui soit la gloire. Vous dites Amen. Nous y sommes maintenant. Qui est sacrificateur? Vous voyez maintenant que ça pose problème, n'est-ce pas, frère? Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs? Donc vous êtes tous sacrificateurs. Hein? C'est pas comme ça. Les sacrificateurs vont régner pendant mille ans. On a spécifié qu'ils seront sacrificateurs pour Dieu son Père. Ils vont servir avec Christ. Si tu ne ressuscites pas, tu te confesses sur la terre que je suis sacrificateur. Tu es sacrificateur dans la poussière ou dans le séjour de mon frère. Chapitre 5. Ah non, nous sommes tous sacrificateurs. Frère, nous sommes tous sacrificateurs. Tu parles. Allez confesser 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un a créé une nouvelle créature. Après, quand tu restes seul, tu fermes la Bible, tu comprends que tu es vrai, que tu n'es pas une nouvelle créature. Tu comprends très bien dans toi et tu sais, sans l'ombre d'un doute, d'un atome de doute, que les choses anciennes ne sont pas passées. Tu sais très bien que même en récitant le verset, que les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu dis ça, les anciennes choses font surface. C'est pas ça, frère et soeur. C'est pour cela que si le Père le souffle, son souffle là sur nous pour nettoyer, ça ne marchera pas. Tout ce qu'on va faire sur la terre, ce sera... résumé en un seul mot, religion. Si le Saint-Esprit n'est pas l'auteur du commencement, de chaque pas, chaque sujet, c'est la religion. C'est la religion. Le Saint-Esprit doit être le début, il doit être au milieu, il doit être à la fin. En fait, le Saint-Esprit doit englober tout cela. Chapitre 5. Regardez le verset 10. Tu as fait de... Bon, je vais prendre la partie verset 8, d'accord. Quand il eut prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront où? Sur la terre. Amen. Le simple bon sens voudrait qu'en lisant ceci, tu dis, ok, si nous sommes donc tous rois, un roi doit régner sur des sujets. Il dit le simple bon sens, sans que vous ne compreniez même la profondeur des Écritures. Le simple bon sens voudrait que vous dites, ok, si nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes tous rois. Si je suis roi, tu es roi, elle est roi, tout le roi. Si tous les chrétiens sont rois, ben, et que les incroyants ne seront pas sur la terre, on va les tuer. Chacun va régner sur qui? Le simple bon sens voudrait qu'on pose cette question. Pour toi. Le simple bon sens voudrait que nous posions la question que si nous sommes donc tous sacrificateurs et tous rois, les sacrificateurs doivent offrir des sacrifices pour des gens. Les rois sont censés régner sur des sujets. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, si nous sommes tout le monde, tous les chrétiens sont des sacrificateurs et tous les chrétiens sont des rois, dans ces cas, la question doit se poser automatiquement. Ils doivent régner sur qui? Vous avez la réponse, frère? Donc la Bible déclare heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils sont les maîtres, seulement les jalons. Nous devons entrer dans cet enseignement pour savoir vraiment, vraiment, qui a part à la première résurrection. Si vous ratez la première résurrection, ça ne vaut pas la peine d'avoir été sur la terre. Si vous ratez la première résurrection, ne dites pas que, est-ce que je serai même là, si je meurs, ma part est finie. Ce n'est pas comme ça, parce que tu meurs pas, ça ne change pas votre condition devant Dieu. Vous mourrez, vous ne mourrez pas. Parce que pour lui, quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, la Bible déclare dans ce livre de Luc, chapitre 20, que vous avez là-bas devant vous, chapitre 20, il dit que pour eux, tous sont vivants. Donc pour lui, quand il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est pour vous sur la terre que vous dites qu'il est mort. Dieu regarde dans les deux dimensions, il regarde dans votre dimension, dans votre dimension. Donc Dieu est en haut, il regarde vous sur la terre, il regarde ceux qui ont traversé l'autre rideau. Donc vous quittez seulement ici pour ici. C'est sur la terre que vous criez parce que vous ne voyez pas l'autre côté. C'est ça? Donc vous êtes en train de dire que Abraham est parti, mon père est mort, Dieu ne voit pas ici, dit que le gars souffre pas ici, c'est fort sur lui là-bas. Sur la terre, on a de pleurer que waouh, ici la lumière pleut, waouh. Donc c'est vous qui souffrez, qui n'est plus là. Pour Dieu, tous sont vivants. Maintenant, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, quand vous vous couchez, souvenez-vous, on dit ceux qui sont revenus à la vie, qui ont régné, c'est ceux qui avaient été décapités. Donc sur la terre, ils n'étaient pas en train de vivre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ils avaient quitté le plan donc, des sous le soleil. Mais maintenant, quand ils ont quitté le plan sous le soleil, par la mort, par la glorification du Seigneur Jésus-Christ, d'une certaine façon, par rapport à leur vie de martyr, là n'était pas la question. Ceux qui avaient été sur la terre, quand ils ont tué, juste à taper la main comme ça en rentrant, ils font des toasts qu'on a tué le gars qui dérangeait là. N'est-ce pas? Ils croyaient que c'était fini. Ils vont les trouver face à face au trône. Là-bas, il n'y a pas de miséricorde. Le mot miséricorde disparaît là-bas. Le mot pitié disparaît là-bas. Le mot Seigneur, j'avais fait beaucoup de bonnes œuvres, non, disparaît là-bas. Toutes les dîmes et offrandes que tu as données, tu vois, c'était, ça ne mourra pas de poids là-bas. Maintenant, nous sommes sur la terre. Vous y êtes déjà, comme vous m'entendez déjà comme ça, vous avez déjà un problème, déjà. Le vrai problème, c'est que vous entendez déjà ça même d'abord. Quand vous entendez cette vérité, déjà, ça commence à poser d'abord un problème. Parce que entendre encore et ne pas y participer, c'est davantage de problèmes. Entendre et ne pas y participer. Parce que Jésus a dit, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, même celui qui croit qu'il a, on enlèvera. Puis il a dit, ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Alors, maintenant, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La question maintenant c'est, qui sont ceux-là? On doit se poser cette question, n'est-ce pas? Maintenant. Puisqu'on a donné une idée qualificative que ceux-là ont été décapités. Maintenant, nous voyons que l'apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, lui-même, n'a pas été décapité. Nous sommes d'accord? Amen. Il est mort tranquillement. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dire à quelqu'un que tue-moi, décapite-moi à cause de la parole de Dieu. Pourquoi on coupe ta tête? Tu y vas pas mieux, j'ai peur à la première résurrection. C'est pas comme ça. Donc, c'est pas comme ça. Si vous lisez le chapitre 6, le verset 8 à 9, lorsqu'on parle du cinquième sceau, on dit, lorsqu'il ouvre le cinquième sceau, j'ai vu sous le tel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et à cause du témoignage dont il avait rendu. Il criait, Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand tu as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. On dit qu'une robe blanche, des robes blanches leur fut donnée et leur fut dit de se tenir encore en repos jusqu'à ce que le nombre soit au complet, leurs frères encore qui sont sur la terre qui doivent être décapités. Donc il y a des gens qui sont destinés à être décapités. Donc si tu es dans ces groupes-là, monte du sang, tu vas sauf que là-bas. Un jour tu vas fuir que non, je m'en vais aux États-Unis, il n'y a pas de prison. Tu vas sur ta prison là-bas, on te tue, on coupe ta tête là-bas. Donc, mourir en martyr n'est pas la seule condition pour y participer. Vous voyez ça, frère? Mourir en martyr n'est pas la seule condition pour y participer. Maintenant, je pose la question. Je me tiens ici maintenant, devant le Seigneur, je pose cette question-ci véritablement. Et là, c'est sur cette question que je vais sortir. Est-ce que votre vie est véritablement? S'il y a un autre mot que je peux mettre à la place de véritablement, est-ce que votre vie est véritablement? Je veux que vous amplifiez le mot véritablement. Est-ce que votre vie est véritablement? Trouvez le synonyme ou n'importe quoi qui peut être plus grand que véritablement. Contrôlé entièrement par le Seigneur Jésus-Christ. Bonne soirée. Gardez cette question à l'esprit. Est-ce que votre vie est véritablement? Véritablement. Véritablement. Véritablement. Gouvernée. Contrôlée. Dans son entièreté. Par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là le dénouement. D'accord, frère? C'est là le dénouement de la première résurrection. C'est là le dénouement. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que votre vie, posez, alors que vous m'écoutez maintenant, posez-vous toujours cette question-ci. Est-ce que votre vie est gouvernée, soumise sous le gouvernement? Chaque pensée, chaque atome, est-ce que c'est gouverné par notre glorieux Seigneur Jésus-Christ? Là est le dénouement de la première résurrection. Là est le dénouement de la première résurrection. Est-ce que en réalité, vrai, vrai, vrai, s'il y a une vérité plus vraie que cela, est-ce que véritablement chaque domaine de ta vie lui est entièrement, entièrement soumis, chaque domaine? Est-ce que le Seigneur est vraiment Seigneur? Ou mieux encore, est-ce qu'il règne en maître dans ton cœur? Vérifiez donc, voici le point, le dénouement de la première résurrection, c'est ici. On va y arriver dans la deuxième partie et les parties suivantes. Nous allons développer cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Amen. Inclinons nos têtes et parlons devant lui maintenant. D'accord? Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces et pour ta bienveillance dans nos vies. Alors que nous voulons dévier chaque fois, Père de gloire, tu nous rappelles à l'ordre parce que tu veux que nous ayons part à cette glorieuse, à ce glorieux rendez-vous que tu prépares pour tous les saints d'antan. Seigneur, ce jour où tu vas nous réunir tous devant toi. Seigneur, me voici avec le peuple et tu as donné au Dieu ce que tu avais nous donné aujourd'hui. J'ai prié au Dieu de gloire que chacun ici soit Père de gloire, transformé et déterminé davantage à en découdre avec leur vie sur cette terre-ci. Que chacun présente au Dieu de gloire devant ton trône de sacrifice. Je prie au Père que chacun comprenne que c'est une affaire individuelle et que chaque vie doit être déposée devant ton autel. Car tu as dit qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Père, donne-nous d'être vivants et sacrifiés pour toi. Que chacun d'ici, Père de gloire, que tu prennes pour ton sacrifice. Que tu prennes, Père de gloire, devant ce trône dans lequel tu brûles les convoitises mondaines du cœur. Que tu brûles les orgueils de vie dans le cœur. Que tu brûles, ô Dieu de gloire, cette hérénité, ô Dieu. Ces choses qui ont été attachées à leur âme. Que tu brûles toutes ces choses afin que nous soyons des sacrifices parfaits pour ta gloire sur cette terre. Dieu de gloire, tu nous as exposé ce plan-là ce soir. Que tu as dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, qui n'auront point part à la seconde mort. J'ai prié au Dieu de gloire que tu donnes, que chacun prenne ceci en considération et que leur vie spirituelle monte avec toi au nom de Jésus. Et te le recommande chacun ici pour sa part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez chanter ces cantiques, c'est jusqu'au bout. Vous savez chanter ça? Non, jusqu'au bout, c'est ça? Je veux te suivre. Vous savez chanter ça? Les cantiques comme ça vont commencer à avoir des résonances dans votre esprit. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et pénible. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire. Le suivre pas à pas, avec lui joie et victoire, paix et bonheur ici, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut perdre ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jugements humains. Être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de paix, le Dieu des esprits qui vous a ramené ici, vous ramène sain et sauf chez vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Je peux comprendre maintenant devant vous le pourquoi le diable n'a pas voulu que je sois ici aujourd'hui, mais le Seigneur a permis. Depuis le matin quand je suis sorti pour venir ici, j'ai vu ces exactions. Comment il bloquait. Vous savez, je suis en alu, en train de rouler comme ça, le capot de la voiture s'ouvre, boum, ça frappe sur la vitre de la voiture. Je suis en alu. Le Seigneur a arrêté le volant, calmement, ça s'est calmé. Jusqu'à ce qu'on allait au garage. J'arrive quelque part, il y a les embouteillages partout, mais lorsque j'arrive, Dieu fera le chemin, je viens pour vous donner ceci. Amen. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Après, la jeune fille qui est dehors là, elle vient ici au milieu. Celle qui est là-bas. Tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Ou bien je parle pas. Je parle. Regarde bien tes soeurs. Va d'abord les saluer, puis je vais parler. Tu choisis si je parle à haute voix ou je parle doucement. Salue d'abord tes soeurs. Écoutez très attentivement vos vies. J'en ai parlé de la résurrection ou de ne pas. Asseyez-vous là les enfants, asseyez-vous là, asseyez-vous, d'accord? On n'a pas encore fini là. Tiens, salue. Tiens, salue tout le monde. Wow. Tiens-toi donc là, tu me dis, tu nous dis ici, si tu veux que je parle, si tu veux pas que je parle, il resterait tranquille. Donc tu dis, c'est pour ça qu'il ne te regarde pas, il veut rester comme ça, il ne te regarde pas. Je parle ou je parle pas. Qu'est-ce qu'elle a dit frère? Parle. Pourquoi tu as insulté le Seigneur Jésus-Christ? Et là, tu te trouves en plein milieu en train d'écouter les choses qui sont destinées pour la gloire. Pourquoi tu l'as insulté? C'est le début de la conversation là-bas maintenant. Donnez à cette jeune fille le lait et le. Oui, elle va me dire qu'elle ne boit pas. Je crois que celui qui se ferait, mais il s'assoit là rapidement. Elle a dit que je parle, pas vrai? Ouais. Ça, c'est elle qui a dit cela. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas encore mangé. Frère Jimmy. Il dit qu'il veut le deuxième tour. bon appétit à vous. J'avance. Le Dieu du ciel dont je suis en train de parler ce soir dit que tu l'as insulté et copieusement. Dis-nous au milieu des enfants du Seigneur pourquoi tu l'as insulté. Tu n'as pas dit je me tais maintenant, je parle. La suite, je garde. Et les conséquences, tu en subis. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu l'insultes? N'est-ce pas elle qui parle? Elle est calée postée maintenant debout. Je crois que l'enfant, si. Donc, toi, tu t'occupes de ta nourriture, tu manges, l'enfant à côté de toi, il se débrouille là. Bois. C'est chacun pour soi là maintenant. Donc tu dis que quand quelqu'un accouche, il ne mange plus. Ça va mon garçon? Arrête bien comme ça. Doucement, d'accord. Tu bois, tu déposes là-bas. Laisse ta mère dit qu'elle se débrouille d'abord elle-même. Ok. Avance vers moi. Je vais continuer à parler. Je recommence encore. Pourquoi tu as insulté le Seigneur Jésus-Christ copieusement et bien? Tu n'as pas insulté. Tu as attendu quelque chose de lui. Il ne t'a pas encore donné. Tu l'as insulté. Non, non, ne me dis pas que tu t'es juste retrouvé, tu es devenu la voiture. Tu as dit quoi à Dieu? Ça c'est face à face, tu lui as dit, c'est enregistré. Ta voix est entendue, j'entends ta voix lui parler, seul à seul. Tu me dis que tu as retrouvé, tu étais en cinquième, tu es revenu en troisième. En deuxième, maintenant la voiture marche mollo, mollo. Qu'est-ce que tu lui as dit? que qui n'est et par conséquent qui te laisse jouer ta vie comme tu comment tu ne parles pas. Il dit, je sens l'entendre ta voix, tu me racontes que tu il a dit que tu ne l'aimes pas. Tu l'as insulté ou tu ne l'as pas insulté. Comment? Tu ne sais plus, hein? Tu étais fâché contre lui. Il est obligé de faire ce que tu veux. De toute façon, comme la voix que tu vas entendre est enregistrée, il faut que ça soit résolu entre toi et lui. Donc, comme tu vas rentrer ce soir, va résoudre le problème de... Nous sommes quand aujourd'hui? Laisse-moi premier avril, frère, c'est pas le poisson d'avril. Il dit, c'est quel jour ici? C'est samedi aujourd'hui. Donc, mercredi, quand on sera ici, si tu es là, on va parler. Il faut qu'on résolve ton problème. Tu as des problèmes sérieux. Bonne soirée.